Go. Hassan. Away. Hey, les pieds sont mûrs, la vie c'est dur, suffit pas de le dire. Assis sur un mur, dans l'avenir, bloqué dans l'obscur, heureux dans la mire. Je suis pas là, bénévole, à l'instar des autres, je suis sur le toit. T'inquiète, je leur suis en guerre, j'appuie, pay bitch time. Chacune son goût, deux putes dans le même lit, le M en a les mêmes goûts, genre du route. Un bon siège cuir baqué, un fer couleur macré, hey, la oui, la oui. Gamma sur les champs, j'l'ai pas loué. Pas loué, pas loué, pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Pas loué, c'est la loué. C'était sur les champs, pas loué. Sur les champs, pas loué. Pas loué, pas loué. À part sur les champs, pas loué. Pas loué, pas loué. À part sur les champs, j'l'ai pas loué. J'suis plus sur tes côtes, pas méchant. Veulent m'amadouer, je suis sans tous mes potes, y'a pas de méthode, m'en sont partout, ouais. J'suis sur écoute, c'est les rats, followers, on est en vie, assurez-vous. Bonne drogue, vrais hommes, pas stoppés par l'épuisement. On a de l'argent, et mes potos sont plus stoppés par leur pigment, hein. Fuck le monde des mondes, on vient de loin, si loin. Aujourd'hui on rôde en gamin sur les champs, j'l'ai pas loué. Pas loué, pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Pour mes haters, jalouse, elle me dit wesh. Ça s'appelle après 9h, j'attends quand même depuis hier. Je sais, j'ai mes envies moi aussi. Je pense arriver pour quelle heure. J'ai senti la ruinard du frère. Emmène-moi tout en haut de la tour Eiffel. J'ai pas le temps pour ces conneries. C'est juste ton job, je te paye après. Comme dans un petit paquet, c'est Marseille, bébé.